C'est impossible qu'il y ait une idée sans une émotion. Alors, quand vous aurez une idée, regardez à l'intérieur pour voir, pour y dénicher l'émotion. Et à ce moment-là, vous verrez que l'idée va changer. Aussitôt que vous aurez perçu l'émotion dans votre idée, vous verrez que l'idée changera. Elle s'atténuera. Elle prendra une autre forme. Mais elle ira chercher une autre émotion. Pourquoi je n'aime pas employer le terme satanique? Parce que le terme satanique, c'est un terme qui est beaucoup trop gonflé pour expliquer le comportement humain. Ce sont des lois d'intelligence inférieure qui se camouflagent à travers l'émotion et la mentation humaine pour créer sur le plan matériel une condition expérimentale. C'est ça le satanisme. Mais si nous nous attachons trop à l'idée du satanisme, nous ne comprendrons jamais le satanisme. Parce que pour expliquer le satanisme, il faut aller très loin dans la compréhension des lois de l'involution. Et à un certain moment, le satanisme n'a plus de fonction en tant qu'idée, parce qu'il n'y a plus de personnalité dans le mécanisme, il n'y a plus de personnalité dans la forme. Il y a simplement des lois d'action et de réaction, des lois d'action qui sont d'intelligence et des réactions qui sont émotives. Pourquoi existe chez l'homme l'action et la réaction? Parce que l'action vient de l'intelligence et la réaction vient de l'émotion. L'action venant de l'intelligence, elle vient de certaines intelligences. L'émotion étant la réaction, elle vient de la nature humaine. L'émotion, elle vient de la nature humaine. Elle vient du côté expérimental, stagiaire de l'homme sur le plan matériel. Ne pas perdre, la crainte de perdre, la crainte d'être détruit, la crainte de souffrir. Mais l'homme ne réalise pas que c'est justement la fusion de ces deux-là, ou l'extinction de ces deux-là, qui lui donne accès à de l'intelligence pure ou à de l'imagination pure. L'homme ne doit pas avoir peur de perdre dans la vie. S'il n'a pas peur de perdre, à ce moment-là, il ne recevra pas d'idées qui viennent d'intelligence inférieure. Un autre point de référence. Autrement dit, si l'homme ne lie pas son idée à la survie, il recevra l'énergie de l'intelligence. S'il lie à la survie, il recevra d'ici. Si nous avions une idée expérimentale d'observateur de ce qui se passe en dehors de la matière humaine, si nous savions comment se gère les mondes, quelles sont les relations entre l'homme et les mondes de l'invisible, nous serions surpris de reconnaître qu'il y a dans les mondes invisibles des forces qui sont totalement destructives et des forces qui sont totalement créatives, et l'univers est séparé en deux. Mais il y a des nuances entre ces deux-là. Et les forces destructives qui sont les plus difficiles à percevoir sont les forces spirituelles. C'est pourquoi l'homme n'a jamais pu voir au cours de l'évolution cet abcès. Parce que la spiritualité, c'est l'expression ultime de la survie. Mais en dehors du corps matériel. Mais qui nous ramène où? À l'astral. D'où le satanisme commence. Donc ça ne nous mène nulle part. Et pour que l'homme passe à l'autre étape, à l'étape des forces créatives, il faut qu'il apprenne à vivre la dislocation qu'elle crée en lui au niveau de sa conscience expérimentale. C'est la mutation. Toute dislocation est bonne. Toute dislocation est bonne. Toute souffrance est bonne. Jusqu'à ce qu'elle devienne plus nécessaire. Mais parce qu'il y a eu changement. Mais nous, les hommes, nous ne sommes pas prêts à accepter ceci parce que nous avons une idée de ce que la vie devrait être. Mais l'idée que nous avons, c'est une idée qui est à la mesure de notre satanisme. Ce n'est pas une idée qui, ou une réalité, ou une intelligence qui est à la mesure du pouvoir de l'homme sur la matière lorsqu'il aura contact avec son double. C'est ce qui nous amène souvent à dire, ah ben, lui il est riche, ou elle est riche, ils ont du plaisir dans la vie, ils sont dans le jet set. Ben, allez voir ce qui se passe dans le jet set. Vous allez voir que c'est pas un cadeau. Eux aussi, ils ont leurs problèmes. Tous les hommes de la terre ont des problèmes. Un homme qui comprend essentiellement que l'idée, ça ne vaut rien, commence à comprendre essentiellement où il s'en va. Aussitôt que l'homme commence à comprendre que l'idée, ça ne vaut rien, il commence à comprendre où il s'en va parce que il commence à voir où il s'en va parce que il commence à être où il s'en va parce que le double commence à se fusionner avec lui. Donc, sa volonté, son intelligence devient réelle de plus en plus, petit à petit. À un certain moment, il sait que c'est comme ça. À un autre moment, il sait encore plus que c'est comme ça. Et à un certain moment, c'est absolument comme ça. Quand l'homme est rendu à reconnaître que c'est absolument comme ça, il ne souffre plus dans la vie. Il peut avoir des petites tensions de temps en temps, mais il ne souffre plus dans la vie. Parce qu'il n'y a plus d'idée de ce que la vie devra être. Il est dedans, selon sa vibration. Pourquoi l'idée empoisonne l'esprit? Parce que l'idée donne à l'homme l'impression seulement, de faire quelque chose qui lui est bénéfique. Mais tout ceci n'est temporaire. Tandis que lorsque l'homme n'a plus d'idée, il prend conscience de quelque chose qui est sans fin. C'est la conscience cosmique. C'est pourquoi je dis que l'idée empoisonne l'esprit, mais nourrit l'astral de l'homme ou l'âme. Et ce qui est dangereux dans l'idée, c'est qu'il y a des idées qui sont bonnes. À un certain niveau d'évolution, les hommes ont simplement des bonnes idées. Mais qu'est-ce que c'est une bonne idée? C'est une idée qui est folle. Toute idée qui est bonne, elle est folle. Pourquoi elle est folle? Parce qu'elle n'est pas... Elle n'est pas engendrée. Elle est produite. Elle n'est pas engendrée. Elle est produite. Produite veut dire en fonction de votre mémoire, de votre expérience. Engendrer veut dire libre de tout attachement karmique, libre de toute mémoire, libre de l'âme, d'où la puissance, d'où le pouvoir, d'où la micro-société. L'homme se préoccupe de lui-même à cause de ses idées. S'il n'avait pas d'idées, il ne pourrait pas se préoccuper. S'il ne pouvait pas se préoccuper, il pourrait s'occuper. Donc, quand l'homme se préoccupe, il prend une quantité de son énergie et éventuellement cette énergie ne sert qu'à balancer son corps émotionnel et son corps mental, mais d'une façon négative. Parce qu'elle l'empêche de vivre le vide. Il n'est pas capable de vivre le vide, donc il se préoccupe. S'il était conscientisé, il ne pourrait pas se préoccuper, il s'occuperait. Donc, il utiliserait son énergie pour augmenter la relation vibratoire entre son double et son corps physique, donc il serait bien dans sa peau. Tout le temps. Mais regardez vos idées. Aussitôt que vous avez une idée dans la tête, vous vous préoccupez d'elle? Aussitôt que vous avez une idée, la fonction de l'idée, c'est quoi? C'est de créer la préoccupation dans l'esprit de l'homme. Pourquoi? Pour l'empêcher d'être intelligent. Pourquoi c'est satanique? C'est une diversion. C'est une distraction. Parce que l'homme n'est pas capable de vivre dans le vide, sans idée. Donc, on l'amuse. Ça va loin, le satanisme. Et il est tellement peu habitué à ceci que, quand il commence à vivre la pénétration ou l'infusion du double sur lui-même, il commence à sentir que c'est plat. Mais pourquoi c'est plat? C'est pas que c'est plat, mais il n'est pas habitué au vide. Et comme il n'est pas habitué au vide, mais c'est plat, parce qu'avant, il se préoccupait. Quand on se préoccupe, c'est pas plat. Se préoccuper, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'occuper avant de s'occuper. C'est une fausse occupation. Ceci remplit notre solitude. Et si nous ne connaissons pas notre solitude, comment voulez-vous que nous soyons dans notre esprit, puisque l'esprit est seul? Mon esprit, il est seul. Je n'entends pas mon esprit parler avec un autre esprit. Jamais. Jamais je n'entends mon esprit parler avec un autre esprit. Il est seul. Il parle avec moi, mais il ne parle pas avec d'autres esprits. Donc, si mon esprit est seul, et moi je suis seul avec mon esprit, moi je suis seul, parce que mon esprit c'est moi. Mais l'homme, lui, préfère se préoccuper, parce qu'il ne veut pas être seul avec son esprit. C'est beaucoup trop lourd. Il préfère être enivré par des idées qui viennent d'autres intelligences pour avoir l'impression d'être occupé. Donc, le contact avec le double, il est coupé. Donc, l'homme vit expérimentalement. Et je sais très bien que en tout cas, je sais très bien que dans la grande et dans la profonde mutation de l'homme, il doit vivre cette solitude, il doit vivre cet état, cette période dans sa vie où il est effectivement dans un no man's land, où il ne se passe rien qui vaille la peine d'être vécu, qui vaille la peine d'être vécu, où c'est réellement plat. Pourquoi? Parce que l'esprit détruit le pouvoir astral en lui. Alors, quand vous dites ou quand vous me dites que c'est plate, qu'il ne se passe rien dans votre vie, avant vous aviez du fun, puis à cette heure vous n'avez plus de fun, c'est très bien. Je suis merveilleusement content pour vous, même si vous êtes en maudit contre moi. La naissance du surhomme se fait dans le désert de la vie. L'oasis ne vient qu'après. Tu l'as vécu, ça. Tu comprends? Ceux qui l'ont vécu comprennent. Ceux qui ont peur de le vivre, peut-être le vivront, peut-être ne le vivront pas. Pourquoi l'homme ne veut pas vivre sans idée? Parce que quand il vit sans idée, il a l'impression de végéter. Donc, il a l'impression de ne pas être. Mais être quoi? Il a l'impression de ne pas être inutile. Calisse qui a peur d'être inutile. Il a donc peur, l'homme, d'être inutile. Et l'homme doit devenir inutile. Parce que quand l'homme devient inutile, le pouvoir de l'idée s'effondre en lui. Il entre dans le no man's land de l'esprit. Il prend conscience de son intelligence, petit à petit, dans son temps à elle. Quand je vous ai déjà dit que notre vie, c'est pas de nos affaires, moi, je sais ce que je veux dire, que notre vie, c'est pas de nos affaires. On fait de notre vie de nos affaires parce qu'on s'arrange toujours pour être utile. On se préoccupe. Mais dans le fond, notre vie, c'est pas de nos affaires. C'est quand on se conscientise qu'on réalise que notre vie, ce n'est pas de nos affaires, que notre vie telle qu'elle est, ce n'est pas notre vie. C'est l'expression satanique sur la terre. Dans une forme biologique qu'on appelle l'homme contemporain. Le cycle post-adamique. Notre vie, c'est pas de nos affaires. Notre vie, elle commence. Notre vie, elle commence après ça. Elle commence après. Notre vie commence au niveau de l'éther. Au niveau de la conscience du double, c'est lorsque l'homme a conscience de son double qu'il commence à être dans la vie. Qu'il commence à prendre conscience de son immortalité. Qu'il commence à prendre conscience de son pouvoir sur la matière. Qu'il commence à prendre conscience de son intelligence. Qu'il commence à prendre conscience de l'absolue qualité de l'intelligence. Qu'il commence à comprendre tout. Tant que l'homme n'est pas arrivé à pouvoir savoir et à sentir qu'il peut comprendre tout, il n'est pas dans son double éthérique. Donc, en attendant, il se sent inutile. Et si vous n'avez pas connu ceci dans votre vie, de vous sentir inutile, vous le connaîtrez. Certain. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde de sentir cet état d'esprit. Ceux qui l'ont sont chanceux. Chanceux sont ceux qui se sentiront inutiles. C'est le début de la conscience réelle de l'homme. Sans ça, vous êtes bien trop préoccupés. Ils disent, si c'est pas plat, ça peut pas être rond. Il faut que ça soit plat. Quelque part. Une période de temps. C'est là que la connexion se fait. Il y en a qui ont peur d'être inutile. Ils cherchent tout ça de façon pour pas l'être. La psychologie de l'homme réel, c'est pas la psychologie de l'homme de la cinquième race. C'est deux paires de manches différentes. Tout ce qui est bon dans un game, c'est pas bon dans l'autre. Ça, c'est top. Quand tu dis que tout ce qui est bon dans le cinquième, c'est pas bon dans le sixième, c'est plate en crisse de passage. Après ça, c'est le fun. Il y en a qui sont venus dans les séminaires, puis je te jure, quand je te l'ai dit, que quand tu te conscientises, là, tu peux pas être à l'amour trop, là. C'est-à-dire que ça leur crée des petits frissons. Il y avait un petit peu. C'est inquiétant. Pourtant, après ça, ils s'aperçoivent qu'il n'y a rien là. Tu perds rien, c'est d'autres choses. Mais in the meantime... C'est comme ça. Dans toute la mesure de l'homme. Et ceux qui ont une très, très grande mesure le vivent d'une façon plus poignante, plus profonde, plus... Ça, c'est le début de la conversation sur l'idée. On prend, tiens, elle a dit qu'il y a une petite idée de café. C'est évident que quand on approfondit le domaine de l'homme à partir d'un autre plan, on ne doit pas assujettir cet approfondissement-là à une interprétation psychologique qui convient au plan où nous sommes. Quand je parle des idées comme je parle ce soir ou que j'essaie d'expliquer le rapport entre les idées de l'homme et sa constitution planétaire, il est évident que je ne veux pas dire à l'homme de rien faire de sa vie. De ne pas s'occuper de ses idées. Quand je parle des idées, quand je parle de la constitution de l'homme, d'une façon froide, il faut comprendre ce que moi je veux dire. Autrement dit, il faut comprendre ce que je dis en dehors de ce qu'on peut interpréter de ce que je dis. Sans ça, on fait fausse route. Les idées de l'homme le servent. Mais ce que je dis essentiellement, c'est que l'homme ne doit pas s'attacher émotivement à ses idées. Ça marche pas. De pas s'entêter, de pas s'acharner à ses idées. Ça marche pas. Il y a des gens qui ont des idées, puis ça marche pas, puis ils veulent que ça marche. Ils forcent la note que ça marche. Ils veulent absolument que ça marche. C'est là que vous faites des erreurs. Alors, c'est inutile d'aller plus loin dans l'explication de la mesure que vous devez avoir pour comprendre ce que je veux dire. D'ailleurs, pour comprendre ce que je veux dire, c'est pas intellectuel. C'est pas intellectuellement qu'on peut comprendre ce que je veux dire. C'est purement vibratoire, c'est très simple ce que je dis. Si vous comprenez intellectuellement ce que je veux dire, bien là, vous allez arriver avec toutes sortes de suppositions, puis vous allez assujettir ce que je dis à vos idées. Pas que vous assujettissiez ce que je dis à vos idées. Je vous parle pour vous rendre conscient de vos idées, pour vous amener éventuellement à vivre sans idées. Alors, si vous assujettissez ce que je dis à vos idées, mais là, vous interprétez ce que je dis. C'est pas ça que je veux dire. C'est jamais ce que je dis que je veux dire. C'est toujours d'autres choses, vous savez. Ça se comprend pas ce que je veux dire. Ça se sait, éventuellement. Alors, pour éliminer la confusion dans l'esprit de certaines personnes, quand je dis que le contenu émotif de nos idées, éventuellement, il faut qu'il saute. Quand il saute le contenu émotif de nos idées, mais à ce moment-là, on tombe dans une autre vibration. Ça devient créatif, ça devient l'imagination pure. En attendant, bon, servez-vous de vos idées. Avec le temps, vous verrez l'émotion, l'émotivité dans vos idées. Puis au fur et à mesure que vous verrez l'émotivité dans vos idées, vous sortirez vos idées. Quand vous sortirez vos idées, vous n'aurez plus d'idées. Quand vous n'aurez plus d'idées, vous commencerez à vous sentir inutile. Puis quand vous serez bien inutile, vous commencerez à être créatif. Vous passez par la phase de l'inutilité pour devenir créatif. Tu peux pas avoir des idées pour être créatif, c'est impossible. Tu peux avoir des idées pour être inventif, mais tu peux pas être créatif. Bon. L'autre point que je veux faire là-dedans, c'est le phénomène de l'intention. Une intention, c'est pas une idée. C'est bon, une intention. Une intention, c'est une énergie qui vient d'en haut, des plans supérieurs de la conscience de l'homme. Ensuite, rendu ici, elle peut devenir une idée. L'intention est toujours mère à l'idée. L'intention, c'est la vibration de l'idée. L'intention, ça se mesure à l'idée. Un jour, quand vous serez mûr, vous n'aurez plus besoin de mesurer votre intention, vous le ferez. Vous passerez directement de la volonté à l'action. Aujourd'hui, vous n'êtes pas capable. Vous êtes obligé de passer par l'intention, à l'idée, à l'action possible. Et rendu à ce point-là, souvent a tellement détérioré l'intention que... Parce que vous avez plus de vous avez pas de matériel émotif et mental pour la... Pour la canaliser, pour la rendre réelle, votre intention. Vos émotions, votre intellect bloquent l'intention. Allez! Mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'intention, c'est pas l'idée. Mais l'intention devient idée. C'est là qu'elle perd de sa force. Exemple. Des fois, vous avez l'intention de partir dans le voyage. T'sais? C'est l'intention, d'un coup, tu te réveilles un matin, tu as le goût, tu as l'intention de partir. T'sais? D'un coup, l'idée rentre. Tu checkes ton compte de banque, tu passes l'argent. Ta belle-mère a vu que tu viens de dîner à midi. Fait que tu y vas pas. Tu viens de tuer l'intention. Comprends-tu, Zé? Vos idées tuent vos intentions. L'intention, elle vient jamais de là. L'idée, elle est faite pour l'homme, elle est produite pour l'homme, à travers le plan astral. L'intention, elle vient des plans supérieurs, mais elle est tuée dans l'œuf. Quand on dit que les gens vivent des petites vies, qu'est-ce que c'est vivre une petite vie? C'est jamais pouvoir manifester notre intention, parce que aussitôt que t'as l'intention, t'as réduit au niveau de l'idée, t'as tué. Il y en a qui ont les intentions pour bien dire, depuis plusieurs années, de faire quelque chose, ils ont l'intention. L'intention. Mais mort. Ils ne peuvent pas réaliser l'intention. Puis elle revient des fois l'intention, elle revient. Il y en a qui ont du goût faire des voyages, ça revient, puis ça revient. Puis ils ne partent jamais, tu sais. Ils ne partent pas. Ils ont peur de l'avion, tu sais, ils ont peur de se noyer, le bateau. Ils ne partent pas. Alors l'intention, c'est la contrepartie humaine de l'énergie créative qui descend vers là. Tous les hommes ont des intentions. Mais où vous faites faillite, c'est quand vos intentions deviennent des idées. Quand vous donnez à votre intention de trop d'idées. Fait que là, commence à se diffuser. Ah, mais peut-être que je devrais aller là. Mais non, ça coûte trop cher. Fait que m'aller là. Mais là, c'est pas assez beau. Fait que m'aller là. Tu finis, tu vas dans un petit trou. Elle se diffuse. L'intention, il faut prendre ça sous le vif. Quand t'as l'intention de manger un steak, tu t'en vas manger un steak. Bon! Si t'attends trop longtemps, ça finit par un spaghetti. Ça coûte moins cher. Mais c'est l'intention qui t'indiquait que c'est un steak que t'avais besoin. Non, là, c'est le spaghetti. T'as lu un livre qui dit que tu devrais manger des raisins, là, tu finis dans le raisin. Tu deviens végétarianisme. T'as l'intention de manger un steak, mais il y a un gars qui te dit que c'est mieux de manger des raisins, tu manges des raisins. Tu te ruines, on va être mieux. C'est le même qu'on marche. On ne suit pas nos intentions. On a tendance à légitimer nos intentions. On les rend légitimes. Et rendre nos intentions légitimes, c'est les rationaliser au niveau de l'idée. Les gens qui ont fait de la macrobiotique, qui avaient de la macrobiotique il y a quelques années, là, c'était bien populaire, là, ils ont légitimé l'intention. Ruine de santé. Une intention, il faut que ce soit vécu purement, ça. Ça ne se rationalise pas une intention. Dans le langage humain, on appelle ça des kicks. Mais les gens ont peur des kicks, ils ont peur de se faire kicker. Alors, dans les films, on voit ça, le gars qui a des kicks. Les gens ont des kicks. Il y a des bons kicks, des mauvais kicks. Vivre l'intention, c'est très, très, très bon pour la santé. J'avais fait une cassette, ça, j'appelais ça les fantasmes. Alors, l'intention, ça peut être un fantasme positif. Ça dépend d'où il vient. Si t'es conscient, l'intention vient d'où? Le fantasme est très bon. Si tu commences à mettre des idées là-dedans. Mais je voulais corriger la possibilité d'interprétation quand je parle des idées, que les gens disent bon, mon frère, on va rester chez nous. C'est pas ça que je dis. Si on explore un autre côté de l'idée, on s'aperçoit de quelque chose absolument extraordinaire. On s'aperçoit que l'idée a seulement une fonction. De confondre l'intelligence dans l'homme. La fonction de l'idée, c'est de confondre l'intelligence dans l'homme. Parce que de l'intelligence, qu'on appelle, puisque en tout cas, moi, ce que j'appelle de l'intelligence, de l'intelligence, c'est très, très puissant. Très puissant. Hein? Puis l'idée, ça confond ça, ça la diminue. Ça la dilue. Il y a des hommes qui ont eu. Il y a des hommes qui ont essayé de vivre au niveau de leur intelligence, qui ont été tués, qui ont été détruits, qui ont été. Parce que pour faire descendre de l'intelligence sur une planète, il faut être très conscient. Très conscient dans le sens qu'il faut avoir énormément de discernement. Dans le sens qu'il faut être conscient de l'impact de l'intelligence sur les idées. Un homme qui n'est pas conscient de l'impact de son intelligence sur les idées du monde, il se détruit automatiquement. Il va attirer vers lui des forces sataniques énormes qui vont le détruire éventuellement. C'est pour ça que l'intelligence viendra à l'homme très lentement. Dans son temps, à elle. Parce que l'intelligence, c'est le pouvoir de la lumière sur la terre. Donc, pour que l'homme vive de ce pouvoir-là, il faut qu'il y ait du discernement. Autrement dit, il faut qu'il sache le manipuler. Manipuler cette énergie-là en dehors de la forme. Autrement dit, en dehors des idées qu'il puisse avoir d'elle. Exemple, on va prendre mon cas, moi. Supposons que j'étais pas conscient de. Supposons que je connaîtrais pas la fusion, autrement dit que je serais pas contrôlé dans ma subjectivité au niveau de l'intelligence. Probablement que je voudrais changer le monde. Probablement que je voudrais faire une sorte de religion intéressante, une nouvelle religion. Je ne sais pas comment ça s'appellerait, mais c'est une religion. Ou probablement je voudrais faire un mouvement philosophique. Ou probablement que je voudrais faire une insertion dans la politique canadienne, mondiale. Autrement dit, si l'ego ne sait pas comment traiter avec l'énergie de l'intelligence, parce qu'il n'y a pas de discernement, automatiquement, il va fonctionner en relation de son idée de cette intelligence-là. Là, il va se dire, l'ego, je suis capable de parler, je suis capable d'aller en politique. Je vais me lancer en politique. Là, l'ego, il s'en va, il se trouve du monde, il se lance en politique, il s'en va en politique. Là, avec son intelligence, là, il commence à faire des choses en politique, puis éventuellement, il se fait descendre. Ou il veut changer le monde. Il veut devenir soit un messie, ou faire une religion, ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas éliminer l'idée de l'intelligence. Il se fait une idée ou il se fait des idées de son intelligence. C'est ça que l'homme de demain, l'homme qui va vers la mutation, c'est ça que l'homme... JJ, quel est JJ? C'est ça que l'homme qui va vers la mutation va apprendre. Il va apprendre à éliminer l'idée de son intelligence. S'il ne fait pas ça, ses idées vont devenir très fortes. Et comme elles vont devenir fortes, ses idées, elles vont le charrier très loin. Donc, il va souffrir beaucoup. Quand tu es inconscient et tu as des idées ont une certaine limite. Mais quand tu te conscientises et tu as des idées deviennent de plus en plus fortes. Parce qu'elles ont de plus en plus de bon sens. Mais ne sont pas nécessairement intégrées à un temps précis. Peut-être que le temps de ton idée, c'est dans 7 ans. Peut-être que c'est dans 8 ans. Peut-être dans 15 ans. Si tu fais ça tout de suite, tu vas te retrouver sur le bord de la rivière. Et les gens qui sont les plus susceptibles à ça sont les gens qui ont des idées ésotériques. Parce que qu'est-ce que c'est une idée ésotérique? C'est une idée qui ne convient pas à ces forces-là, mais qui n'est pas parfaitement intégrée à ces forces-là. Donc, tu n'as aucun support. Une idée ésotérique, c'est une idée qui ne te donne pas le support de ces forces-là et qui te ne donne pas le support de ces forces-là. C'est comme si tu es pogné avec, toi. C'est ça, une idée ésotérique. Puis regardez tous les gens qui ont eu des idées ésotériques, ils finissent toujours pognés avec leurs idées. Leurs idées, éventuellement, meurent dans l'œuf. Ils n'ont pas de continuité. Ils n'ont pas de continuité au niveau de la civilisation parce qu'ils sont ésotériques. Puis ils n'ont pas de continuité au niveau de leur intelligence réelle parce qu'ils ne sont pas dans le temps. Après quelques années, ça meurt. Puis plus l'homme se conscientise, plus ses idées deviennent ésotériques, c'est-à-dire que plus ses idées deviennent personnelles, c'est-à-dire que plus ses idées ne deviennent plus interchangeables avec le monde. Ils peuvent devenir interchangeables avec un petit groupe d'adeptes, mais ils ne sont pas interchangeables avec le monde. Il y a un petit nombre de personnes qui peuvent les comprendre. Mais si ces idées-là sont trop imbues de subjectivité, éventuellement, le gars, il peut vivre, il peut en souffrir. Puis on dirait qu'on passe tout par là. Il y a une période de clean-up entre l'évolution et l'évolution. Il y a une période de transition ici, là. Puis au lieu de faire quelque chose trop vite, on a avantage à prendre notre temps puis bien s'asseoir dessus. Surtout quand je parle, moi, quand j'avance le concept de la micro-société, il faut qu'on s'assoie dessus. Ça a son temps, micro. Ça va se faire à sa façon. Il y a des lois vibratoires qui entrent en jeu là-dedans. Il y a un temps là-dedans. Il y a des individus clés là-dedans. Il y a des individus qui vont se greffer à ça avec le temps. Il y a un temps. C'est pas à nous autres, cette affaire-là, de le former. Ça se forme, ça. Fait que si on a des idées, mais éventuellement, ça bloque. Puis plus ça va mal, on dirait que plus les gens ont tendance à vouloir accélérer leurs idées, parce que ça va mal. Mais ça, c'est de la petite vieille que vous avez, là. Ça va aller bien mal que ça va. Ça va être de la fun, là. Alors, les idées, comme elles proviennent de zones très ténébreuses qui font partie de la conscience humaine, des zones où il y a très peu de lumière, l'homme n'est pas capable de les comprendre et de les saisir instantanément. Et comme il n'est pas capable de les saisir instantanément, mais il les maintient en vie. Il n'est pas capable de les tuer tout de suite. Puis moi, je peux vous dire une chose, parce que je parle de mon expérience, il n'y a rien de plus fatigant qu'une idée dans la tête. C'est fatigant. Qui trotte. Mais, quand tu es bien conscient du jeu, tu sais quoi faire avec. Moi, je le dis sacrément à paix un peu. Ça vide, ça les force. Mais si t'en es pas conscient, ça trotte, puis ça tourne, puis ça tourne, puis ça tourne, puis ça tourne. Pas seulement dans les semaines, des mois. Quand je dis que les idées, c'est fait pour confondre l'esprit, puis entretenir l'ego de l'homme, parce que l'ego de l'homme n'est pas capable de vivre dans le vide. On trouve ça top, on trouve ça plate. On essaie toujours de construire quelque chose avec nos idées, tout le temps. Si on a de l'argent, ben on a encore bien plus d'idées. Quand t'as pas d'argent, tu nourris des idées des autres. T'essaies de leur en donner à eux autres. Tu penses qu'il n'y en a pas, fait que tu leur en donnes, toi, des idées. Puis quand tu as de l'argent, à ce moment-là, fais tes propres idées. Et dans les deux cas, c'est le même phénomène. C'est bien difficile d'avoir de l'argent et rien faire avec. Y en a-t-il qui sont capables de faire ça? Avoir de l'argent et rien faire avec, c'est top. Parce que là, on a des idées. Encore, on ne veut pas perdre la valeur de l'argent. Fait que tu as de l'argent, tu as encore une autre idée. Tu ne veux pas perdre la valeur de l'argent, tu fais quelque chose avec. Tandis que quand l'homme sera conscient, à ce moment-là, au lieu d'avoir des idées, il sera indiqué quoi faire avec ça. On débat une couple d'années encore. Faire une couple d'années, ouais, le stock monte, les affaires montent. Il n'a rien fait, il a monté tout ça. Avant, vous allez faire quelque chose, vous allez au stock, prendre des risques. Et la pire chose qu'on peut faire dans la vie, c'est de prendre des risques. La pire. Puis on en prend tout. On prend tous des risques. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas assez souffert. Quand on est inconscient à prendre des risques, il y a des gens qui vont dire, ah, moi, j'ai pris un risque calculé. C'est pas un risque, c'est calculé. C'est une option. Quand tu prends un risque, tu risques de finir avec moins que de ce que tu avais avant de partir. Faut être intelligent, ça prend un risque. C'est se mettre totalement à ses lois de probabilité. Mais quand on commence à connaître la game, on n'en prend plus de risques. Mais pourquoi est-ce qu'on veut prendre des risques dans la vie? Parce qu'ils disent que l'homme a toujours voulu défier la vie. On veut défier la vie. On défie la vie. Dans le fond, on se défie soi-même. Parce que la vie, ça se défie pas. Pour défier la vie, il faut que tu sois bien fusionné avec elle. Là, t'as défié un enfant de chien. Moi, je défie la vie tout le temps. Je mets la vie sous mon contrôle à moi. C'est moi qui run ma vie. Je prends pas de risques. Mais l'homme prend des risques parce qu'il veut défier la vie.